Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous parlons aujourd'hui de Grégoire de Nyssa, un des trois pères cappadociens, un grand nom dans l'histoire de l'Église. Et pour en parler avec nous, Alain Durel, auteur d'un livre qui vient de sortir, Eros transfiguré, variations sur Grégoire de Nyssa. Un titre déjà évocateur. Donc, Alain Durel, vous êtes docteur ès lettres, vous avez déjà écrit d'autres ouvrages, vous travaillez à Toulon, aux directions des affaires culturelles de la ville, et vous avez écrit cet ouvrage. Je vais vous demander pourquoi d'abord. Qu'est-ce qui vous a amené à parler de Grégoire de Nyssa, un père qui n'est pas très facile d'accès? C'est vrai, mais c'est parce que Grégoire de Nyssa a été important dans mon propre itinéraire spirituel, dans la mesure où, pour parler très brièvement, je vous rassure de moi-même, je viens de l'athéisme en fait, et même je dirais de l'anticléricalisme républicain français, cette grande tradition d'ailleurs que je ne renie pas. Mais pourtant, à la suite d'un désir, de Dieu, j'ai été amené à poursuivre ma quête spirituelle et j'ai rencontré Grégoire de Nyssa sur mon chemin. Et c'est un moine du Mont Athos, en fait, de Stavronikita exactement, qui m'a fait lire pour la première fois Grégoire de Nyssa. Et depuis, Grégoire de Nyssa ne m'a jamais quitté. Donc ça a été l'objet de longues méditations, de travaux philosophiques. Il a été d'abord une maîtrise, puis un DEA, puis j'ai repris ce travail. Et finalement, il a abouti à l'écriture de ce livre. Alors dans Grégoire de Nyssa, moi, je retrouvais des choses qui me parlaient, et je pense que c'est là la modernité, l'actualité de ce père de l'Église, c'est que je crois sincèrement, et j'en suis la preuve vivante, que Grégoire de Nyssa peut interpeller nos contemporains, peut interpeller l'homme moderne, y compris l'homme qui est loin de l'Église, qui est loin de Dieu, parce qu'il a un message à lui délivrer sur Dieu et sur l'homme lui-même. Nous allons parler un peu de lui, si vous voulez, pour le placer dans le temps, dans le contexte historique et doctrinal, un contexte très très important, très difficile aussi, et de son rôle. Oui, alors Grégoire de Nyssa, effectivement, faut rappeler que c'était donc un père de l'Église du IVe siècle qui a joué un rôle très important dans la grande querelle et la grande crise arienne à l'époque de l'empereur Valens. Pour dire quelques mots sur lui-même, il faut savoir que c'est un homme qui avait commencé une carrière ecclésiastique, mais qu'il avait momentanément abandonné pour suivre une carrière de rhéteur. C'est important parce que c'est un homme de lettres, c'est un philosophe, et j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure, et il a une culture hellénistique et philosophique de très très grande ampleur, et il a aussi, à travers la seconde sophistique, dont il est un des plus grands représentants, développé une certaine forme de rhétorique, une certaine forme d'écriture, qui a des incidences sur sa pensée. Je vous donne juste un exemple. Vous savez, la notion d'oxymore dont on parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, Grégoire de Nyssa est un des pères de l'oxymore, pour ne citer que la sobre ivresse ou la ténèbre lumineuse. Ce sont des figures de rhétorique qui viennent de la seconde sophistique, mais qui vont trouver dans sa pensée une résonance tout à fait étonnante, une résonance philosophique et théologique. Alors Grégoire de Nyssa, sous l'influence bénéfique de son propre frère Basile de Césarée, Saint Basile le Grand, va reprendre une carrière ecclésiastique, va être évêque de Nice et va s'engager de toutes ses forces dans la grande bataille contre l'arianisme. Et il sera présent au concile de Constantinople. Et donc, c'est évidemment pas un auteur mineur, mais vraiment, vous savez que Saint Maxime, le confesseur, lui donnera le titre de docteur de l'univers, ce qui est quand même pas la moindre des choses. Donc, nous sommes à la fin du IVe siècle. Vous avez parlé de la crise arienne, une crise qui avait terrassé l'Église au début de ce siècle, une doctrine condamnée en 325 à Nicée, qui revient sous la forme présenté par un homme, tout un système philosophique. Tant Basile que Grégoire écrivent contre un homme. Donc ce sont des défenseurs vraiment de la foi orthodoxe, si je puis dire. Absolument. Donc en 381, ce concile dont vous parliez tout à l'heure, à Constantinople. Et nous avons ici donc quelqu'un qui est en même temps un pilier de la doctrine de l'Église. Et comme vous avez dit, quelqu'un qui reçoit l'héritage de la Grèce classique par sa formation et en même temps, vous en parlez dans votre livre du judaïsme. Absolument. Et je crois que c'est une des choses peut-être très importantes dans le renouveau du christianisme en Occident, la redécouverte des pères grecs, et notamment à travers, pour ce qui est de l'Église catholique, les grandes figures comme Danielou, Balthazar, ou des gens qui ont, à travers notamment la collection Sources chrétiennes, redécouvert la grande tradition patristique. Je pense sincèrement que un des drames de l'Église d'Occident, c'est effectivement sa rupture avec l'Orient. Et donc, on ne peut que féliciter à cette redécouverte de Grégoire de Nice, notamment. Donc, Grégoire de Nice, c'est un grec, il faut le rappeler, et avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que il est porteur de cet héritage de la philosophie grecque, et en même temps, c'est un disciple d'un juif, puisque c'est le disciple de Philon d'Alexandrie, dont il s'inspire beaucoup, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, de montrer la filiation, donc double filiation entre la Grèce antique et filiation avec le judaïsme lui-même revisité par Philon, puisque Philon est un penseur, lui-même un penseur alexandrin. Donc nous sommes ici à la croisée des chemins, nous sommes ici entre hellénisme et judaïsme. Et pour moi, l'originalité de Grégoire de Nice, c'est justement cette transfiguration, d'où le titre « Eros transfiguré », c'est-à-dire le nom d'un dieu grec, un dieu qui va prendre une signification complètement nouvelle à travers la plume de Grégoire de Nice. Je crois qu'il est temps de parler du titre, d'expliquer le titre, peut-être en rappelant avant que Philon est un juif hellénisé, qu'il vit à peu près en même temps que Jésus de Nazareth, en gros, on va dire, et que donc sa réception dans le christianisme est très importante, on le voit à travers l'œuvre de Grégoire. Alors, le titre, commentez-le, parce que il appelle vraiment un commentaire intéressant. Oui, alors c'est vrai que Eros transfiguré, on peut tout de suite et on imagine beaucoup de choses. Ce n'est pas un livre qui parle de sexualité. C'est un livre qui parle de ce désir profond qui est en l'homme et qui est un désir de Dieu et donc un désir d'absolu, un désir infini qui a été mis dans le cœur de l'homme par son propre créateur. Et cet Eros transfiguré, eh bien, c'est cette manière dont l'hellénisme, qui était porteur de cette sagesse antique et qui a développé cette dimension du désir, un désir plutôt captatif, si vous voulez, va s'ouvrir, va être comme brisé dans son élan par la tradition, par la révélation biblique, tout simplement, qui fait que ce désir va être chargé d'une nouvelle dimension, une dimension infinie, va s'ouvrir à l'infini. Et ce désir infini, c'est l'éros transfiguré, c'est la capacité pour l'homme de retrouver la joie dont il est porteur à partir de ce désir infini. Vous organisez votre livre en deux temps. Vous parlez d'abord de l'interprétation des Écritures et puis une deuxième partie plus doctrinale, mais elle aussi présentée de manière très personnelle. Je dois dire que vous avez la force de présenter un père du 4e siècle. Bon, lui aussi, il a cette force, il faut le rappeler, mais vous avez le don de le présenter comme quelqu'un d'actuel. Enfin, son message devient tout à fait actuel. Je voudrais d'abord qu'on dise quelques mots sur cette première partie, sur les Écritures, donc, et donc la vie de Moïse, une grande œuvre de Grégoire. Pourquoi avez-vous choisi de commencer comme ça? Je pense qu'il y a un aspect pédagogique, la vie de Moïse, c'est un livre que je recommande vivement, car c'est un livre qui est facile à lire, qui est très très beau. Grégoire de Nice y déploie avec beaucoup d'élégance toutes ses capacités d'écrivain, justement. Et c'est aussi une leçon d'interprétation. Et je pense que cette œuvre est une œuvre décisive, puisque après Philon, après Origène aussi, Grégoire nous donne une leçon d'interprétation. Je crois que l'interprétation, c'est quelque chose d'absolument décisif. Et si on peut considérer une religion à l'aune de l'interprétation, je dirais qu'une religion sans interprétation est une religion qui est porteuse de violence, parce que elle n'est pas capable d'être actualisée. Donc je rebondis sur ce que vous disiez. Pourquoi, enfin dans quelle mesure Grégoire de Nice peut nous parler? C'est dans la mesure où justement lui-même a développé cette interprétation. Et interpréter, c'est se laisser interpeller ici et maintenant. Donc, dans quelle mesure l'Écriture sainte, dans quelle mesure la vie de Moïse peut me parler à moi ici et maintenant. Et quelle est la réponse de Grégoire ? Eh bien, la réponse de Grégoire, c'est d'une part, je dirais que Grégoire nous donne une réponse qui est d'une certaine manière canonique, puisque c'est quand même un père de l'Église, mais je crois sincèrement que Grégoire nous invite aussi à rentrer dans une logique interprétative. Ça ne veut pas dire que c'est une interprétation subjective, individualiste, c'est une interprétation qui s'inscrit dans une tradition, évidemment, dans une tradition patristique, une tradition scripturaire. Mais je crois qu'il y a une invitation à l'interprétation. Il ne faut pas avoir peur de laisser interpeller par l'Écriture. Je vous donne un exemple célèbre, quand Moïse s'approche du buisson ardent et qu'il retire ses sandales. Que peut bien signifier cet acte de Moïse ? Eh bien, pour Grégoire de Nice, ça a une signification qui est une signification spirituelle, puisque retirer ses sandales, d'une certaine manière, c'est se débarrasser des idoles conceptuelles, c'est se dépouiller d'une certaine forme d'intelligence blessée pour accéder à un degré de contemplation supérieur. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait citer l'exemple du meurtre des premiers-nés, Grégoire de Nice, avec sa sensibilité de chrétien. Évidemment, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, quand on tombe sur certains textes de l'Ancien Testament, on peut les trouver parfois extrêmement violents, d'une grande brutalité, ce meurtre des premiers-nés d'Égypte. Eh bien, Grégoire nous dit qu'on peut l'entendre d'une autre manière, on peut l'entendre d'une manière spirituelle, ce qui ne veut pas dire que, entre parenthèses, pour le premier degré est évacué, hein, mais, eh bien, le premier meurtre des... Le meurtre des premiers-nés signifie la nécessité pour nous de détruire les pensées, les mauvaises pensées ou les passions dès leur apparition dans l'intellect. Donc on voit que à travers l'Écriture, on a toute une pédagogie spirituelle, toute une interprétation mystique de l'Écriture. Écoutez, nous allons passer à la deuxième partie du livre. Donc le titre, je le rappelle, « Héros transfiguré, variation sous Grégoire de Nice ». À l'intérieur, une présentation très personnelle, même de la doctrine. Alors, cette deuxième partie est doctrinale et est organisée en trois parties. La première sur la lumière, la deuxième sur la nuée et la troisième sur la ténèbre. Pourquoi ? Oui, alors, je crois qu'il faut là citer Grégoire de Nice, si vous permettez, parce que c'est absolument essentiel. Finalement, c'est Grégoire de Nice qui nous invite lui-même à ce découpage. La manifestation de Dieu s'est faite d'abord à Moïse dans la lumière, via photos. Ensuite, il a parlé avec lui dans la nuée, via néphelis. Enfin, devenu plus parfait, Moïse contemple Dieu dans la ténèbre, en gnopho. Donc on voit bien que c'est Grégoire de Nice lui-même qui nous invite finalement à cette tripartition de son œuvre. En tout cas, c'est une proposition sur laquelle je rebondis immédiatement. Et donc, la première partie, la lumière. La lumière, chez Grégoire de Nice, elle renvoie au commentaire du livre des Proverbes. Elle renvoie également à un sacrement, au sacrement du baptême. Et elle renvoie à l'étape qu'on appelle l'étape de la purification. Donc, on voit un système de correspondance entre ces grandes étapes, entre des commentaires de l'Écriture sainte, entre des sacrements et entre une démarche à la fois spirituelle et théologique. La nuée, par exemple, alors la lumière, c'est aussi le buisson ardent, évidemment, hein, ça renvoie à ça dans la vie de Moïse, puisque nous nous situons dans la vie de Moïse. La nuée renvoie aux commentaires sur l'Ecclésiaste, sur le Coëlète, mais elle correspond également au sacrement de la confirmation ou de la chrismation. Sur le plan épistémologique, elle correspond à une théologie symbolique ou analogique. Et sur le plan de l'expérience mystique, elle correspond à ce qu'on a pu appeler dans la tradition occidentale la nuit des sens, hein, la purification des sens. Enfin, le troisième mouvement de cette progression, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est une progression infinie, faut toujours le rappeler, hein, parce que chez Grégoire de Nice, la notion d'infini est absolument centrale, c'est la ténèbre. Alors la ténèbre, elle renvoie dans l'Écriture sainte, pour Grégoire de Nice, au commentaire sur le Cantique des Cantiques, avec toute cette dimension justement de l'éros transfiguré, de cet éros qu'on voit dans le Cantique, ce texte absolument merveilleux, bouleversant de l'Écriture sainte qui nous décrit cette espèce de relation nuptiale entre un homme et une femme, et qui très probablement a une signification à la fois ecclésiale, la relation de l'homme, d'abord de l'homme avec son peuple, avec le peuple élu, puis de Dieu avec son peuple, de Dieu avec l'Église, et finalement de la relation du mystique avec son bien-aimé. Donc on a tout un système de correspondance dans le cantique. La ténèbre, ça correspond aussi à l'Eucharistie, le caractère extatique et de l'ivresse eucharistique. Sur le plan gnoséologique ou épistémologique, ça renvoie à la théologie apophatique, à la voie négative. Et enfin, sur le plan de l'expérience mystique, c'est la nuit de l'intelligence. Donc là, on fait un pas supplémentaire, puisqu'il n'est plus question de se dépouiller seulement de nos sens, mais aussi de notre intelligence. Donc il y a quelque chose de vertigineux, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque nous sommes amenés à une connaissance qui va devenir une connaissance au-delà de la connaissance, et finalement cette connaissance supérieure, c'est une expérience, c'est un contact, c'est une relation avec le Dieu vivant. Donc cette deuxième partie, elle-même sous-divisée en plusieurs catégories, lumière, nuée, la ténèbre, l'infini, métamorphose, au pluriel. Et cette partie donc finit par la philosophie de l'autre Grèce. Vous avez un passage dans votre livre que je vous prie de commenter un peu, où vous parlez de deux Grèces en fait. Et ça étonne un peu, si vous voulez analyser, c'est très intéressant la manière dont vous le dites. Oui, alors en fait, ça c'est l'aspect plutôt philosophique. Pour l'instant, nous parlions plutôt, parce qu'on peut parler de Grégoire de Nice de différentes manières, d'un point de vue théologique, spirituel, c'est un grand mystique, faut jamais l'oublier, mais à mon avis, c'est aussi un très grand philosophe, et j'ai voulu insister dans mon livre sur cet aspect, j'ai voulu montrer à quel point Grégoire de Nice, me semble-t-il, est d'une extraordinaire modernité pour la pensée contemporaine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autre Grèce? Ça, je dois dire que c'est une invention personnelle. L'autre Grèce, évidemment, on pourrait penser, et d'une certaine manière, ça serait vrai, qu'elle s'est incarnée historiquement dans le monde byzantin, dans l'Église orthodoxe. Mais pour moi, l'autre Grèce, c'est plus un programme, si vous voulez, que quelque chose d'absolument effectif. L'autre Grèce, elle est en Orient, mais elle peut aussi être en Occident. L'autre Grèce, c'est la Grèce qui a voulu abandonner l'idole du concept pour s'ouvrir à l'icône, à une pensée qui pense plus qu'elle ne pense. Alors, en gros, si vous voulez, pour moi, la Grèce telle qu'on l'entend et telle qu'elle est encore souvent dans l'inconscient collectif ou même dans l'enseignement en Occident, eh bien, on nous enseigne qu'il y a les anciens, les Grecs, et puis il y a souvent d'ailleurs un grand vide à les périodes médiévales, et puis nous avons ensuite le héros de la pensée Descartes qui surgit, et puis etc., etc. Donc une espèce de dynamique de la rationalité grecque qui aboutit à la modernité qui elle-même conduit à la mort de Dieu. Bon, eh bien, il me semble qu'il y a une autre Grèce, c'est-à-dire il me semble qu'il y a une autre possibilité, une autre manière de penser, une autre rationalité possible, qui, sans tomber dans l'irrationalité, justement, conserve l'essentiel du logos grec, mais un logos qui a été ensemencé, un logos qui a été transfiguré, justement, par la révélation. Donc c'est un logos qui est capable de s'ouvrir à ce qui le dépasse. Pour reprendre l'expression d'Emmanuel Lévinas, c'est une pensée qui pense plus qu'elle ne pense et qui s'ouvre à ce qu'elle ne peut pas penser, justement. Voilà, c'est ça le miracle de l'autre Grèce. Et à mon avis, la modernité de Grégoire de Nice, c'est peut-être une alternative à une pensée de la domination, à une pensée de la technique dans laquelle l'Occident s'est enfermé aujourd'hui. Bah, tout ceci est également en rapport avec la notion de temps. La perfection de l'Antiquité est loin de la perfection ou de la recherche de la perfection dans le christianisme, et en particulier chez Grégoire. Donc, si vous voulez bien donner ces deux perceptions du temps complètement différentes. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, pour les anciens, alors là pour le coup, pour les Grecs, le temps a une valeur négative. Le temps, c'est ce qui conduit à la corruption. C'est la corruption qui amène vers la mort inéluctable. Et d'autre part, le temps, c'est ce qui nous éloigne d'un passé mythique, puisque vous savez, chez Platon, plus on avance dans le temps et plus on s'éloigne du bonheur, d'une certaine manière. Et bien, la révolution philosophique, la révolution conceptuelle de Grégoire de Nice, ça va être de donner une valeur positive au temps. Donc ça, c'est extrêmement nouveau pour un penseur grec. D'abord, la première chose, c'est que pour Grégoire de Nice, c'est l'être tout entier, c'est de la, toute la, la comment dirais-je, tous les étangs, pour parler un langage barbare de la philosophie contemporaine, qui sont littéralement traversés par le temps. Donc, il n'a pas fallu attendre Heidegger pour envisager la temporalité de l'être, mais Grégoire de Nice l'avait déjà fait, et ça, c'est absolument extraordinaire. Pour lui, il y a du temps absolument partout. Nous sommes littéralement traversés par le temps, par la temporalité. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Mais, une fois de plus, le temps, lui aussi, est transfiguré. Donc, un temps transfiguré, c'est un temps qui, au lieu de nous amener vers la corruption, vers la dégradation et vers la mort, c'est un temps qui est capable de nous entraîner vers sa propre source, qui est Dieu, et donc vers la vie. Et donc plus on avance dans cette logique du progrès, puisque la pensée de Grégoire de Nice, c'est une pensée du progrès aussi, pour lui, l'homme a cette capacité de renouvellement, cette capacité de créativité infinie, de dépassement infini de soi. Il porte en lui ce désir qui le conduit à s'approcher toujours plus. Et ce toujours plus, il faut ajouter une chose, se poursuit après la mort, puisque c'est une idée tout à fait originale de Grégoire de Nice, qui a été d'ailleurs souvent discutée et qu'il y a encore aujourd'hui. Il n'y a pas de fin à la progression de l'âme humaine. Donc voilà la notion de la temporalité chez lui, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et elle est liée à la notion d'infini. Si vous me permettez, je vais dire deux mots sur cette notion. Pour les anciens également, le parfait, c'est ce qui est terminé, c'est ce qui est fini, c'est ce qui est clos sur lui-même, c'est ce qui est par soi-même. Or, Grégoire de Nice nous propose une vision absolument nouvelle de l'infini. L'infini, lui aussi, revêt une qualité positive. Nous ne finirons jamais de progresser, nous ne finirons jamais d'aller par des commencements qui n'auront jamais de fin. Dans cette épecta, c'est-à-dire ce mouvement de dépassement permanent de nous-mêmes vers cet autre, avec un grand A, qui est la source de notre être et qui nous entraîne toujours plus vers lui. Donc là aussi, on a une autre révolution conceptuelle, c'est la révolution de l'infini. Il faut dire maintenant de quelle manière parle-t-il de Dieu, puis de l'homme. Oui, alors je crois que ce qui est important, c'est que ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, dans quelle mesure Grégoire de Nice est une alternative à ce qu'on a appelé, excusez-moi d'utiliser des gros mots, l'ontothéologie, c'est-à-dire une certaine conception de Dieu comme le fondement, comme un fondement, et surtout comme étant l'être suprême. C'est une conception qui a eu évidemment beaucoup de succès dans la scolastique médiévale et qui a amené à faire de Dieu, n'hésitons pas à le dire, une sorte d'idole conceptuelle, puisque Dieu a été ramené à une explication du monde. Et à partir du moment où on transforme Dieu en un être suprême, en une raison suprême, eh bien il suffit qu'un jour des scientifiques proposent une explication sans Dieu, pour que ce soit la mort de Dieu. Et c'est bien ce qui s'est passé en Occident. Donc, en finir avec cette conception de ce Dieu concept, de ce Dieu être suprême, être par soi, de ce Dieu fondement des étangs, pour retrouver une conception vivante, dynamique, d'un Dieu infini, d'un Dieu personnel, et surtout d'un Dieu dont on ne peut jamais faire le tour. Ce qui est important, c'est que la notion d'infini, elle joue aussi, évidemment, par rapport à Dieu, à accepter de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Vous savez, cette phrase de Pascal absolument merveilleuse, « Tout ce qui est incompréhensible ne lasse pas d'être hein. ». Pascal fait allusion à un chiffre infini. Un chiffre infini est incompréhensible, mais il existe. Donc, on ne peut pas tout comprendre, et il y a une humilité de la pensée et qui est nécessaire, et cette humilité, on la trouve dans la démarche négative, la démarche apophatique qui permet d'accepter cette radicale transcendance de Dieu. Donc Dieu n'est pas un concept, Dieu n'est pas un être, Dieu n'est pas une raison d'être, Dieu est une personne, et cette personne, elle nous échappe d'une certaine manière, même si on peut y participer mais dans la mesure où c'est cette personne qui vient vers nous et non pas nous qui pouvons la saisir, la contrôler, la maîtriser par nos propres concepts. Je vous propose de terminer cette émission par le début de votre livre. L'œuvre de Grégoire de Nice, dites-vous, loin d'être un refus du logos, offre à la pensée contemporaine la possibilité d'une véritable métamorphose. Comment l'entendez-vous ? Eh bien, cette métamorphose, justement, c'est la possibilité de sortir de cette pensée de la domination. J'utilise volontairement cette expression qu'on peut repérer ici et là dans la philosophie contemporaine. Une métamorphose, c'est une conversion du regard, une conversion de la pensée elle-même. Et c'est aussi une manière, comme je le disais tout à l'heure, de passer du concept à l'icône. Puisque penser en termes d'icône, c'est penser à partir de ce qui nous échappe, ce qui nous dépasse. C'est ne pas se figer sur ce qui est visible, mais c'est rester toujours ouvert sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre du don que de la saisie. Donc en fait, penser en termes d'icône, c'est s'ouvrir à la grâce. Donc c'est cette conversion du regard que le mot grec « metanoia » finalement exprime parfaitement. Et cette conversion, à mon avis, elle est nécessaire pour la pensée aujourd'hui, pour la pensée contemporaine, pour la pensée européenne notamment, sans laquelle nous allons finir par nous enfermer dans la domination, dans la violence. Quand vous parlez d'icône, de quelle icône parlez-vous ? De l'icône d'église ou de l'icône dans le sens plus large du terme ? L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que le renouveau de l'icône est quelque chose d'extrêmement précieux, mais j'utilise le terme d'icône. Vous savez que le terme d'icône a été utilisé par les pères eux-mêmes. On a parlé d'icône conceptuelle, puisque le dogme, un dogme, au fond, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas une vérité qui s'impose. C'est une icône qui est comme une fenêtre qui nous ouvre vers le mystère, qui nous ouvre vers l'invisible. Donc c'est une icône, c'est quelque chose qui nous regarde plus que nous la regardons, et c'est quelque chose qui nous ouvre vers ce que nous ne pouvons pas voir, finalement. Le mystère de l'icône, c'est ça. L'icône n'est jamais un objet devant nous. L'icône est une fenêtre, l'icône est une ouverture, l'icône nous entraîne au-delà de nous-mêmes. Et c'est ça, pour moi, penser en termes d'icône. Écoutez, Alain Durel, c'est passionnant, il faut absolument lire ce livre, Eros transfiguré, Variations sous Grégoire de Nice, et c'est au CERF. Je vous remercie beaucoup. Ainsi prend fin à cette émission. Donc, notre prochaine émission, ce sera le dimanche 24 juin, et ce sera sur la réédition du livre « Pour lire les Pères de l'Église » du Père Amann, nous serons en compagnie de Guillaume Baddi. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Ariane Herbet. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.